Document 4. Distraction. Histoire de Joe. Je faisais la queue devant le cinéma. Et quand je suis arrivé à la caisse, je me suis aperçu que j'avais oublié de jeter ma poubelle. J'ai dû chercher un conteneur et j'ai raté le film. Le lendemain, il faisait beau. Et j'ai passé la journée au parc, allongé sur l'herbe. Quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma veste, avec mes clés et mon portefeuille, quelque part sur l'herbe. Je suis retourné au parc, mais on avait fermé les grilles. Il était 9h du soir. Il faisait frais et j'étais dehors, sans veste ni clé. Tous mes amis étaient partis en vacances et personne ne pouvait m'héberger. Alors je suis allé dormir à l'hôtel d'en face. Heureusement que le réceptionniste me connaissait, car je n'avais ni argent ni papier.